Mégane s'est coupé les cheveux. Ces longues tignasses rousses que j'aimais tellement. Mégane m'a laissé ses cheveux en souvenir du temps où elle vivait près de moi. Mégane, tu as tout ce que tu veux, mais moi tout seul à baisse, je n'ai que tes cheveux. Mais c'est tout ce qu'il me reste pour dormir avec toi. Ta tignasse dans le cœur pour oublier que tu es loin de moi. De moi. Oh, oh, oh, oh. Coiffée comme une punk à chien, mais la plus belle de toutes. Mégane, dans la forêt vosgienne, oublie son ex facho, mais oublie aussi ma peine. Mégane, quand ta mèche de cheveux ne me filera plus la trique, il me restera Loïc. Tout ce qu'il me reste pour dormir avec toi. Ta tignasse dans le cœur pour oublier que tu es loin de moi. Oh, moi. Dans le cœur pour oublier que tu es loin de moi.